qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Hier se sont ouverts les internationaux de France de tennis dans l'enceinte légendaire de Roland-Garros. Mais qui se cache derrière ce nom si célèbre? Franck Ferrand a décidé de répondre à cette question. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a quelques mois, au moment du centenaire de l'exploit de Roland-Garros, je vous avais promis que nous lui consacrerions une émission au moment du tournoi de tennis. Eh bien nous y voilà. C'est d'autant plus amusant entre nous que Roland-Garros, Monsieur Roland-Garros, dont j'ai convié Marc Menant à venir nous parler, ce Roland-Garros ne jouait pas au tennis. Il n'a sans doute même jamais tenu une raquette de sa vie. Lui, il était aviateur. On peut même dire le premier aviateur à avoir réussi la traversée de la Méditerranée. En effet, le 23 septembre 1913, il y a donc eu 100 ans l'année dernière. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Romain qui voudrait connaître l'origine des timbres-poste. Romain s'intéresse à l'origine des timbres et à celle des collections de timbres. Peut-être qu'il est lui-même collectionneur d'ailleurs. Je tenterai de lui répondre en vous donnant quelques grands repères. Pour le moment, je vous propose de suivre l'intrépide Roland Garros dans l'accomplissement d'un des grands exploits de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je suis toujours très curieux de connaître et de comprendre les origines d'une vocation. Vous savez, c'est ce déclic à partir duquel s'est accompli un exploit. L'exemple d'aujourd'hui est un des plus beaux que je connaisse. Voici un jeune diplômé d'HEC, né en 1888 à La Réunion, on va y revenir tout à l'heure, et qui a bien fait de se rendre à Reims un certain 22 août 1909. Là, il assiste en compagnie d'un camarade de promo, il assiste à l'ouverture de la grande semaine aéronautique de la Champagne. Il faut se remettre dans le contexte, bien entendu. Hein. On est dans ce début de siècle où l'aviation est la grande aventure. Encore, je dis la grande aventure, mais il y en a d'autres, c'est vrai. Il y a l'automobile, il y a le cinéma, etc. Mais tout de même, voler, quoi de plus extraordinaire? C'est le tout début, bien entendu. Alors, compte tenu de l'ampleur de l'événement, le petit Parisien a offert le programme de cette manifestation champenoise à ses lecteurs. Il va y avoir 3 records du monde battus dès le premier tour par Blériot, Farman et Latam. Et on a ce jeune Garros, Roland Garros, qui est complètement conquis. Il commande le mois suivant son premier avion au salon de la locomotion aérienne. L'appareil en question est une demoiselle. Alors aujourd'hui, on a un peu oublié, même si l'image de Santos Dumont reste attachée à cet appareil. Mais on l'avait surnommée la tueuse d'hommes, cette demoiselle. Parce que assez souvent, les trains d'atterrissage, notamment qui étaient fragiles, se brisaient et on voyait des pilotes comme ça, qui d'ailleurs sont assis sur une espèce de bande de cuir, hein, qui est à une dizaine de centimètres du sol. On voyait le pilote qui essayait de redresser, de corriger comme il pouvait la trajectoire de son appareil. Et pourtant, Roland Garros, avec Edmond Audemars, qui est un ancien champion cycliste, va devenir un brillant demoiselliste, comme on disait. On va l'inviter avec son camarade à toutes sortes de meetings. Et à l'issue d'une course, un homme s'approche de Garros. « Je n'ai à vous parler », dit-il, parce qu'il disait toujours « je n'ai à vous parler, je n'ai à proposer à partir en tournée à travers l'Amérique ». En l'occurrence, l'homme en question, c'est John Moisan. Le contrat va être signé le soir même, à l'issue d'un bon dîner. Et ça va être le début pour notre Roland Garros d'une carrière qui est une sorte de carrière d'acrobate aérien. On parlait du cirque Moisan, comme on aurait parlé de Barnum, hein, qui faisait de grandes tournées à travers les États-Unis. 80 personnes qui circulaient à bord d'un train. C'était un déploiement de force formidable. Sur le train, vous aviez deux plateformes pour les avions, alors qu'ils étaient quand même d'assez petits avions, bien entendu, qui étaient attachés là-dessus. Vous aviez un wagon atelier, une voiture restaurant, des voitures Pullman pour tout le personnel, etc. C'était un véritable cirque qui se promenait comme ça, et avec des numéros aériens à couper le souffle qui étaient extrêmement dangereux, bien entendu. Tous ces gens-là étaient des têtes brûlées. On va y venir dans un instant avec Marc Menant, parce que j'aimerais qu'on revienne sur toute cette jeunesse de Roland Garros et sur toute la préparation de celui qu'on a appelé le cloud kisser, c'est-à-dire l'embrasseur de nuages, celui qui flirte avec les nuages. C'est Jung qui l'avait ainsi surnommé. Il va faire un exploit, il va accomplir un exploit extraordinaire, notre Roland Garros. C'est à Cancale. Il va battre un premier record d'altitude à 3910 mètres. Là encore, aujourd'hui, évidemment, quand on voit l'altitude des avions d'aujourd'hui, on ne comprend même pas tellement ce qu'il y a de sportif ou d'extraordinaire dans un tel exploit. Mais remettez-vous dans le contexte de 1911, de 1912, de cette époque où les avions volaient, j'allais dire quasiment à hauteur d'homme, et là le voilà qui s'élève à des altitudes tout à fait extraordinaires, à des altitudes alpestres. Alors, la grande affaire, le véritable défi, il est ailleurs. Notre Garros vise la Méditerranée. La Méditerranée, mais comment, se dit-on? Il faut se remettre là encore dans l'état d'esprit de l'époque. On arrive à l'été 1913 à ce moment-là. Il faut quand même vous dire que 4 ans plus tôt, il y a un aviateur français très célèbre qui a réussi à franchir la Manche, c'était Blériot, mais encore l'a-t-il fait avec beaucoup de difficultés. Il n'a atteint la côte anglaise que dans des conditions, au prix quasiment d'un miracle. Or, la distance de Calais à Douvres, en gros, c'est une 40 kilomètres, et ça se couvre en une demi-heure de vol. Là, il s'agit de traverser la mer Méditerranée. C'est quand même pas tout à fait la même histoire. C'est 800 kilomètres entre le littoral du sud de la France et celui de l'Afrique du Nord. C'est 8, peut-être 9 heures de navigation aérienne. Ça paraît tout simplement impensable. Or, là aussi, je tiens à insister sur cette différence. Ça n'enlève rien, évidemment, à l'exploit de Blériot, mais en juillet 1909, Blériot répondait à un véritable défi qui avait été posé, vous savez, par le quotidien britannique Daily Mail, qui avait proposé un prix tellement substantiel à celui qui vaincrait la Manche par avion, que ça avait permis d'ailleurs à Blériot de sauver son entreprise à l'époque et d'échapper à une faillite certaine. Roland Garros n'a rien de tel. Il ne répond à aucun défi. Il se lance un défi à lui-même, et c'est un défi qui est, et je vais employer ce terme qui pourrait presque résumer l'état d'esprit, qui pourrait en quelque sorte symboliser la philosophie de Roland Garros, c'est un défi entièrement gratuit. Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film L'étoffe des héros, sorti en 1983. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Roland Garros. Tout à l'heure avec Marc Menant, je vais revenir justement sur cette philosophie de Roland Garros, sur cette espèce de gratuité dans le défi, dans cette volonté qu'il avait lui-même, peut-être de vivre plus intensément, tout simplement, d'aller plus loin. On était quand même, ne l'oublions pas, dans cette période de la belle époque, hein, on est dans ce tout début du XXe siècle où l'enthousiasme pour les grandes conquêtes humaines est encore intacte, et où l'on veut constamment aller plus haut, dépasser, faire mieux. Vous savez, les gens de cette époque se passionnaient véritablement pour tous ces défis, pour toutes ces conquêtes. Ils étaient aux premières loges et on avait l'impression véritablement de repousser les limites de ce à quoi l'homme avait jusqu'alors été assujetti. C'est ça peut-être qui explique l'espèce de dynamique incroyable à l'œuvre chez des personnages comme Roland Garros. Mais c'est particulièrement entièrement vrai chez lui. Alors néanmoins, alors il tient bien sûr son projet totalement secret. Il n'est pas le premier hein, à avoir eu cette idée, évidemment. Dans un premier temps, il n'en parle pas, ou il en parle en tout cas le moins possible. Il va devoir surmonter un certain nombre d'obstacles majeurs, à commencer par la question des courants porteurs, des courants ascensionnels, la question du vent, bien entendu, un vent qui, à l'époque où il tente, où il se lance en tout cas dans l'aventure, on est à l'été 1913, est un vent de sud qui retarde toute l'opération, bien entendu. Pendant tout le mois d'août, on attend que les vents tournent, mais le vent est têtu, vous savez, et alors il y a quelque chose de très saisonnier, c'est de moins en moins vrai ce que je suis en train de vous dire. Mais enfin, en tout cas, à l'époque, les vents arrivaient à date quasiment fixe, étaient dans une orientation bien particulière. Toute la première quinzaine de septembre 1913 va s'écouler, d'ailleurs, sans que ça évolue tellement. Roland Garros a envoyé sur place, dans le midi, toute une équipe qui le tient au courant. Et alors, dès que le vent tourne, bien entendu, on lui dit vite, il faut accourir. Et c'est comme ça qu'il va louer une couchette dans un rapide à destination de la Côte d'Azur le 21 septembre. Il arrive donc, après une bonne nuit de repos à Saint-Raphaël. Il arrive vers midi, le 22 septembre. L'attend son fidèle mécanicien, celui sans lequel il n'aurait jamais imaginé se lancer dans pareille aventure. Il s'appelle Jules Hu. C'est un personnage absolument essentiel. Il y a aussi un certain nombre de spécialistes qui sont là, qui ont préparé l'aéroplane auquel notre Garros va littéralement confier sa vie. C'est un Morane Saulnier de type G. C'est un petit avion, c'est un monoplan. Hein. Déjà, on était habitué à l'époque à ces grands biplans, vous savez, avec leurs quatre ailes, si je puis dire. Là, en l'occurrence, c'est deux ailes, une envergure de 9,20 m, d'ailleurs plus d'envergure que de longueur même de l'appareil qui ne fait que 6,30 m de long, avec un moteur gnome rotatif de 60 chevaux. On a envie de dire, c'était quand même un petit peu une tondeuse à gazon pour traverser la Méditerranée. Et puis alors, je ne vous parle pas de l'équipement du bonhomme, qui s'est quand même trouvé une bouée. Alors, vous savez ce que c'est que sa bouée? C'est une chambre à air de bicyclette. On se dit que s'il tombe à l'eau, il ne va pas aller très loin quand même. Hein. Et puis il a pris une canne à pêche avec au bout de la canne à pêche un petit fanion rouge parce que au cas où il serait obligé d'atterrir sur quelque îlot méditerranéen, ça lui permettrait de faire de grands gestes pour se faire voir des marins au large. Vous voyez un petit peu le genre d'équipement quand même. Pas de flotteur, car expressément Roland Garros n'en a pas voulu. S'il doit s'abîmer en mer, il préfère que sa mort soit rapide. D'une certaine manière, il ne se voit pas passer des journées d'agonie accrochées au flotteur d'un avion amphibie. Alors, il va passer une dernière nuit avant l'exploit. Il va passer une nuit dans un hôtel assez confortable. Il se réveille de bonne heure. Il prend un petit déjeuner bien consistant. Et puis, le moment est venu de s'équiper, de se vêtir avec soin. Déjà, on entend le moteur de la voiture qui vient le chercher. Voilà ce que nous dit Patrick Facon, que je salue au passage, car j'ai eu la chance de travailler avec Patrick Facon dans une autre vie. C'est un de nos grands historiens de l'aéronautique. Saluant les officiers, dit-il, qui gentiment lui avaient proposé leur service, Garros grimpa dans le véhicule, non sans s'identifier à un condamné à mort que ses bourreaux conduisaient vers le lieu de son supplice. Il a envoyé la veille un télégramme « Je pars pour Tunis ce matin 6h », dit-il. « Je vous enverrai des nouvelles, amitié Garros ». Ah ben ça a le mérite, c'est vrai que c'est un télégramme, vous me direz, mais ça a le mérite de la concision. Ben voilà ce qu'on appelle un style lapidaire. Je cite toujours Patrick Facon. Arrivé sur la piste, Roland Garros nota avec satisfaction que Hu, secondé par quelques marins, avait extrait le Morane de son hangar et procédait aux dernières vérifications. En enfilant sa combinaison de vol imperméable, Garros songea sans doute à l'amitié solide qui le liait à son mécanicien et à la confiance qu'il lui témoignait en toute occasion. Alors, le Morane est sommairement équipé, disons-le. Ça ressemble un peu à ce qu'avait Louis Blériot au moment de sa traversée de la Manche. C'est un petit peu la même chose. Et puis, ben, ça y est, il va falloir y aller. Les vents sont bons, tout est prêt. Il est 5h50 en ce 23 septembre 1913, date absolument historique. Contact, dit Roland Garros. Alors, faut imaginer le moteur, le gnome qui se met à vrombir, tandis que les mécaniciens retiennent l'appareil par les ailes et par les empennages pour l'empêcher de rouler avant que le moteur n'ait atteint un régime suffisant, parce qu'on n'a pas non plus des pistes qui sont extensibles à l'époque. Et puis, sur un signal de l'aviateur, ça y est, Hu et ses compagnons laisse filer le Morane. Le voilà qui s'avance sur la piste. C'est ce petit monoplan, hein. Ça a l'air tellement dérisoire pour aller conquérir la mer entière, pour aller conquérir le Mare Nostrum. Le monoplan en question grimpe. Il grimpe dans la légère brume matinale. Il est donc à ce moment-là précisément 5h50. Il faut imaginer ce soleil rasant, ce soleil doré de la Méditerranée qui illumine littéralement le massif de l'Estérel. Et puis ça y est, la côte, la mer, on commence à voir peu à peu s'estomper au loin la côte française. Et puis ce qui va apparaître bientôt, ce sont les reliefs de la Corse. Ça fait 20 minutes seulement que Roland Garros est en vol quand il aperçoit la Corse. L'aviateur, nous dit Facon, entendit un claquement sec et vit de manière distincte une pièce métallique traversée en le déchirant, le capot annulaire qui recouvrait le gnome. Ah, ça c'est un piston qui vient de sauter. Ça s'annonce quand même très mal, cette traversée. Alors, que faire? Roland Garros a le choix. Est-ce qu'il doit continuer? Est-ce qu'il va bifurquer vers la Sardaigne, relier Cagliari pour essayer de faire réparer son moteur? Il va se déporter en quelque sorte et puis il voit qu'il aperçoit que la base n'est pas équipée, qu'il risque de perdre tout simplement son grand pari. Alors il serre les dents, si je puis dire. Il fait confiance à son étoile, qui jusqu'ici l'a si bien portée, si bien sustentée. Il a pris la décision. Le voilà reparti sur la mer avec un moteur quasiment en panne. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons à la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la vie de l'aviateur Roland Garros. Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est aussi une forme d'amour propre? Peut-être un petit peu de tout ça. On va demander à Marc Menant ce qu'il en pense dans un instant. En tout cas, l'aviateur a décidé, malgré ce gros problème de moteur, il a décidé de se diriger vers la Tunisie, de continuer. Il a quand même encore 200 kilomètres, 200 bons kilomètres à franchir avant d'atteindre la côte tunisienne. Le risque était énorme, écrit Patrick Facon, car le trou dans le capot moteur laissait passer de trop nombreuses gouttes d'huile que le sillage de l'hélice vaporisait sur son visage. Non mais non seulement l'avion est mal équipé, non seulement le moteur est en grande difficulté, mais en plus, vous voyez, il y a de l'huile comme ça qui lui vient dans le visage, ce pauvre aviateur. Peu importe, écrit-il, Garros irait à présent jusqu'au bout. Comme s'il s'agissait d'économiser le carburant dans toute la mesure du possible, le pilote estima que le mieux était de gagner de l'altitude. Alors, il va crever une première couche de nuages, puis une seconde, le Morane monte, mais ça ne fait pas peur, l'altitude ne fait pas peur à Roland Garros. Je vous ai dit qu'il était champion d'altitude justement, il monte à 3000 mètres, ce qui rend d'ailleurs l'appareil beaucoup moins stable, forcément, et puis le moteur donne des signes de faiblesse de plus en plus terribles. On entend comme ça des espèces de petits claques, hein, des cliquettements. Vous imaginez comme c'est bon pour le moral et pour les nerfs d'avoir ce moteur dont on se demande s'il ne va pas tout simplement s'éteindre là d'une minute à l'autre. Garros est totalement préoccupé par la consommation parce que le problème c'est qu'il n'a pas tellement de carburant. Il recherche une trouée dans cette espèce de masse de nuages, hein, dans cette masse cotonneuse. Et puis soudain, il y a une déchirure et là, alors ça ne s'invente pas, là, Roland Garros aperçoit, mais vraiment au loin. Et puis, inutile de vous dire que moi je vais vite, hein, je vous raconte ça parce que il me reste quelques minutes seulement pour achever mon récit, mais il faut imaginer que tout ça se déploie, bien entendu, dans le temps, dans toutes ces heures d'un vol qui, à l'époque, paraît tout simplement inconcevable. Soudain, il aperçoit donc au loin trois minuscules points noirs qui lâchent un panache de fumée. Ah, il comprend ce que c'est. Là, il est ravi, Roland Garros. Ce sont les torpilleurs qu'on lui avait promis qui sont partis de Bizerte à sa rencontre. Alors, à ce moment-là, il s'offre le luxe de couper les gaz et il va se laisser glisser vers la mer dans une espèce de spirale très élégante. Ce sont des artistes, les pilotes de l'époque. Ça va l'amener à 300 mètres à peu près au-dessus des navires. Et évidemment, dès que les marins le voient arriver, ils l'attendaient, ils scrutaient l'horizon, ils regardaient, mais le ciel, encore une fois, était assez nuageux. Dès qu'ils le voient arriver, ils vont faire demi-tour, bien entendu, remettre plein gaz et lui servir d'escorte, en quelque sorte. Lui montrer le chemin de Bizerte. Alors, on n'attend plus très longtemps à partir de ce moment-là pour voir se profiler les côtes de l'Afrique. Il était temps nous dit Patrick Facon, le niveau d'essence était descendu presque à zéro. 10 minutes plus tard, le Morane Saunier passait au-dessus du littoral et se posait vaille que vaille sur un champ de manœuvre militaire situé tout près de Bizerte. C'était pas le plan de vol, c'était pas ce qui était prévu du tout. Mais enfin bon, qu'on le veuille ou non, il a bel et bien traversé la Méditerranée, il n'a pas fait d'escale et le voilà arrivé à Bizerte. On est, retenez bien cette date, il est 13h40 ce 23 septembre 1913. Et on ne peut même pas se faire une idée de ce que doit être l'intense jubilation de cet homme qui a accompli l'exploit improbable. Alors, il est convaincu, lui, il pensait évidemment qu'il allait être accueilli comme une sorte de héros national. Vous savez, il voyait déjà les fanfares, il voyait les foules à courir. Bon, sauf qu'il est, en l'occurrence, il est sur un terrain annexe à Bizerte. Et puis, en l'occurrence, il n'y a pas grand monde. Il y a un simple soldat qui est là, en bourgeron, qui s'approche du monoplan, qui le regarde comme ça, un peu étonné, et qui observe le pilote avec une certaine curiosité, qui se dit « mais c'était pas prévu, qui c'est ce bonhomme ?» Et alors il lui dit « vous venez de loin ?» Alors là, il explose littéralement Roland Garros. « Je viens de France » dit-il. Mais l'autre ne le croit pas du tout. Il reste totalement perplexe. Il ne pense pas qu'on ait pu venir directement de France de cette manière. Alors, quand même, Roland Garros veut aller au bout de son périple. Il va obtenir des responsables du terrain d'aviation la permission de faire réparer son moteur et une petite coupe de champagne au passage. Et le voilà qui décolle en direction de Tunis. Peu avant il arrive vers Tunis peu avant le coucher du soleil. Il a été surpris par la nuit. En fait, il ne pensait pas que la nuit tombait aussitôt à ce moment-là, et il va donc être obligé de faire une nouvelle halte. Et nous dit Patrick Facon, le lendemain, tandis qu'il volait vers Tunis, Garros repensait au terme du télégramme de félicitations que lui avait adressé le président du conseil, donc Barthou. Lui aussi avait télégraphié, mais dans l'autre sens, de Bizerte à Paris. « J'arrive à Bizerte avec 5 litres d'essence après 8 heures de vol, ajouté un vent défavorable. Le voyage s'est accompli à une altitude de 2500 mètres. » Je vous dis, il avait le sens du résumé, Roland Garros. Encore un message parfaitement lapidaire. Bonjour Marc Menant. Alors évidemment, Roland Garros n'a pas accompli son exploit sans s'être longuement entraîné. Il ne venait pas de n'importe où. C'est ce que nous allons voir avec vous. Et puis surtout, il ne s'en est pas tenu à cet exploit de la traversée de la Méditerranée. Il a eu par la suite une carrière peut-être encore plus extraordinaire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Roland Garros avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. Je pense que vous étiez, Marc Menant, l'homme de la situation pour nous parler de Roland Garros, parce qu'il y a chez ce bonhomme un peu de l'inconscience, du côté casse-cou, de l'intrépidité que je vous connais moi par ailleurs. Vous devez vous retrouver un peu en lui d'une certaine manière. Hein. C'est un jouisseur, oui, voilà. C'est un coureur de rêves. C'est-à-dire que l'existence ne doit pas s'inscrire dans la fadeur. Il faut vivre dans la plénitude, il faut vivre dans l'ambition. Si l'on ne va pas tutoyer ces éléments qui vous placent rampant en quelque sorte, eh bien malheureusement, vous êtes là dans un vivotage qui fait que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est formidable chez ce gamin, c'est que très tôt, il a eu ce sens de la démesure. Il a 25 ans, il faut dire, même pas d'ailleurs, 24 ans à l'époque. Mais hein. Dès qu'il est gamin, alors faut peut-être replacer aussi. Alors on va aussi, y venir sur le gamin, voilà. Mais sur le vol pour eux, parce qu'après on reviendra peut-être pas à cette traversée de la Méditerranée. Moi j'ai raconté ça, c'est toujours frustrant, j'ai raconté ça comme ça en quelques minutes, on a l'impression quasiment que c'est un petit baptême de l'air. Mais c'est un exploit qui dure 8 heures et qui se passe dans des conditions de quasi impossibilité. Vous l'avez fort bien décrit, mais on peut aller plus loin dans quelques détails. C'est quand vous êtes à 2500 mètres, 3000 mètres, la froideur vous gagne. Il a beau mettre au départ des journaux, il n'y a rien qui lui permet de supporter cette froideur terrible. On est également avec les petits trous d'air, on cahote énormément. Et quand vous parlez de l'huile, c'est pas simplement une gêne sur les lunettes, c'est que c'est brûlant. Ça vient et ça laisse des impacts. Et il faut supporter ça sans essayer d'accepter le mal que ça vous fait. C'est-à-dire, vous imaginez le mental. Vous avez ces brûlures qui vous viennent, des crépitements, et ça dure plus de 2 heures. Eh bien, malgré ça, vous faites comme si c'était les caresses du vent qui vous accompagnaient. Et puis, ce moteur qui est là, comme une sorte de provocation. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais continuer à te porter? Et c'est crachement... Ah, c'est le suspense non, total. Non, mais c'est incroyable. Hein. Et ce qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, il l'écrit lui-même quand il sera prisonnier pendant la guerre de 14 et qu'il raconte sa vie. Jusque-là, il n'a pas eu le temps. Il n'était pas préoccupé par raconter ses exploits. Ce qui l'intéressait, c'était de les vivre et d'aller plus loin encore dans cette ambition de la transcendance. Et donc, il dit, lorsque ce moteur, soudain, risque d'exploser devant moi, la sagesse, la raison, c'est d'aller se poser en Corse et d'oublier cette tentative. Tant pis pour cette fois, ben voilà. Il dit, mais la chose la plus importante, c'est le rêve, et je n'allais pas perdre mon rêve, il valait mieux risquer sa vie. C'est ça. Donc là, je pense qu'on a la définition même d'une philosophie à la Roland-Garros. Le rêve est plus important que la vie, finalement. Voilà. Ou en tout cas, la vie, ou en tout cas, voilà, c'est ça. La vie ne doit pas se faire au prix de la brisure d'un rêve. Voilà, c'est ça. Ça, c'est terrible. Et donc, cette incandescence, il la tient sans doute de cette jeunesse. Et faut pas oublier aussi un point essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on apprend tout. Vous allez passer votre permis de conduire, on vous explique comment vous allez conduire une voiture. Là, ils inventent le pilotage, oui, tous ça. Ces gens-là. Ah, oui, c'est-à-dire que quand il achète sa demoiselle, alors c'est amusant parce que il va l'acheter au Palais de la Découverte, au salon de la locomotion aérienne. Magnifique, magnifique. La locomotion Bonjour, aérienne. Bonjour, un avion, s'il vous plaît. Voilà, 7500 francs. Et alors, on vous vend l'avion, mais on vous dit, il n'y a qu'un homme qui l'a fait voler, c'est Santos. Sinon, tous les autres, eh bien, ils ont été aux pâquerettes. Alors, il va se présenter à Issy-les-Moulineaux lorsque la machine sera prête quelques mois plus tard, et on lui montre au fond du hangar la plus rutilante, un jaune criard, c'est la sienne, la demoiselle. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a une lanière pour s'asseoir. C'est vrai, donc le siège, c'est une lanière. Oui, c'est ça, c'est comme une selle, un peu, voilà. Enfin, même pas. Vous avez le châssis, c'est en bambou, on n'est pas dans le métal. Les ailes, c'est de la soie. C'est-à-dire que le vent qui, ce matin-là, est à peine perceptible, on lui dit « c'est la tempête, vous ne pourrez pas voler ». Car pour pouvoir taquiner les airs, et encore en sachant que les trois quarts n'arrivent même pas à décoller, il faut que la bougie, la flamme de la bougie, reste droite. Mais il y a encore plus fou. C'est-à-dire que là, on fait véritablement corps avec son appareil. Pour pouvoir piloter une demoiselle, vous avez un gilet. Et ce gilet est raccordé à l'armature par des lanières. Et c'est en vous contorsionnant le thorax que vous donnez un angle à la voilure de telle sorte qu'à ce moment-là, elle va vous porter. C'est donc vous vraiment un sport. Hein, là, ah mais c'est plus coup, qu'un sport. Et personne ne peut vous c'est donner... un art en fait, un art corporel. Et personne ne peut vous donner le moindre conseil pour justement avoir les bons gestes. Alors quelques questions toutes simples, mais comment se fait-il que ce gamin, comme vous dites, ait les moyens de s'acheter quand même un petit avion, même si c'est pas cher, vous... enfin pas cher, c'est 7500 francs de l'époque, c'est beaucoup quand même. C'est hein. beaucoup, mais alors il a fait fortune, très rapidement. Donc son père est avocat, on est à la Réunion, on va se diriger vers Saïgon, et là une éducation très particulière. À Saïgon, il n'y a pas d'école pour accueillir les jeunes gamins, et ses mamans, une dame d'une grande beauté, une dame qui a une belle ambition intellectuelle aussi, très très très belle dame, au sens noble du terme, et qui lui apprend le piano. Au départ, il n'aime pas trop ses exercices de dextérité, mais néanmoins, ça lui servira, pour la petite anecdote d'ailleurs, il fera danser Isadora Duncan, place de la Concorde, en jouant du piano. Parce et elle qu'il dansera est passionné pour lui. De musique. Oui, lui, hein. Oui, complètement, complètement. Mais dans un premier temps, il est hostile parce que ça lui demande une sorte d'astreinte qu'il ne supporte pas. Bref, il est là-bas donc avec ses parents qui déjà lui donnent une éthique de vie. Tout à l'heure, vous parliez de son mécanicien, Jules. Il le vouvoiera tout le temps. Voilà. Mais il vouvoie tout le monde. Pourquoi ? Parce même que... les boys. Dans... Hein, oui, ça. Parce que quand on arrive là-bas, les colons à Saïgon, c'est « dis donc toi », etc. Tandis que là, on dit « il faut savoir respecter les hommes, ils sont tous égaux, on est presque dans un héritage révolutionnaire, bien qu'appartenant à la belle société ». Et puis, il y a l'intrépidité. Alors déjà, il y a le soleil. Côté conseil, vous devez, jeune homme, porter constamment un casque colonial. Et quand on lui offre son premier vélo, il a 5-6 ans, vous le voyez partout avec son casque colonial. Mais rien ne l'arrête. Les bûches, etc., ce qui compte, c'est d'être dans cette transcendance, on peut reprendre le mot, l'exploit physique pour l'exploit physique. Mais à 12 ans, maman ne peut plus être la bonne éducatrice, donc on va l'envoyer en France. Imaginez le voyage. Quand vous partez de là-bas, de l'Indochine, des mois de mer, avec comme simple compagnon le commandant qui doit veiller oui, sur vous, temps, vous oui. Mais bon, le gamin, il est alors là, pour le coup, en plein dans les rêves. Et il voit cette mer, l'ennui aussi souvent quand on est sur les flots, et quand il arrive en France, personne pour l'accueillir. C'est le lycée Stanislas où il doit trouver son orphelinat, vous voyez, le lapsus. Oui. Oui, parce qu'on est vraiment seul, il va falloir s'inventer son tout monde. Tout pont coupé, là. Et il va tomber malade, d'ailleurs. Est-ce que ça, oui, il est d'une santé un peu fragile, Oui. Et donc, on va l'envoyer sur la Côte d'Azur, à Nice, où très rapidement, il va développer des capacités, alors que c'est plutôt le sanatorium qui lui est promis. Lui, le voilà, trépidant, sur son vélo, toujours le vélo. Le piano, c'est pour reprendre son souffle, et juste après. Mais c'est un cancre notoire, et il faut bien évidemment masquer les résultats à papa. Et puis maman va revenir, passons les détails. Toujours est-il que ce gamin, papa voudrait en faire un avocat, et c'est simplement parce que il découvre l'Angleterre, il y a un correspondant qui l'accueille et il promet à son père de mériter de nouvelles vacances et pour cela de devenir enfin un bon élève. Il va rattraper en un an, ce qui montre sa capacité intellectuelle, son assiduité, son sens de l'engagement. Il rattrape tout son retard scolaire, termine avec des accessites en physique et en latin. Et il va se présenter à HEC. Et à HEC, il réussit si bien que lorsqu'il se présente, il voit une petite annonce des automobiles Grégoire. Il est pris alors que il y a des gens qui ont plus d'expérience que lui. Mais ça ne lui suffit pas. Alors déjà, là encore, automobile Grégoire, il ne se contente pas d'être un vendeur. Non. Il invente une voiture tubulaire avec un baquet qu'il baptise de baquet Grégoire et il va faire des voiturettes. Mais il ne va pas être simplement l'intermédiaire. Donc, il monte son commerce. Mais, vous l'avez dit, où trouver l'argent ? Eh bien, la chance, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde ne suit pas des études. Et si papa n'est pas fortuné, il n'en reste pas moins qu'il a côtoyé des aristocrates, oui, entre guillemets, des gens de la finance. Et on est des aristocrates ou plutôt de la bonne bourgeoisie, quand je dis aristocrate, c'est oui. Dans l'éducation. La bonne société. Oui, voilà, oui. Bonne société. Et parmi eux, il y a le sueur. Grâce à qui on connaît encore Roland-Garros aujourd'hui, puisque c'est grâce à lui que les stades s'appellent Roland-Garros, on y reviendra tout à l'heure, et Kellenec. Et Kellenec, son père est un ingénieur qui participe à la construction du canal de Suez, qui est richissime, et Garros va le voir en disant « je voudrais acheter un magasin pour vendre mes petites voiturettes ». Et il va s'installer au 6 avenue de la Grande Armée avec son magasin. Et c'est grâce à ça que lorsqu'il voit... Où on vend toujours des scooters aujourd'hui d'ailleurs, voilà, il faut dire. Ouais. C'est amusant quand même. C'est amusant. Et donc, lorsqu'il arrive à ce salon, qu'il voit la demoiselle, eh bien, il engage toute sa fortune, mais on lui dit « mais t'es complètement fou !» Et là encore, son mot, c'est « rêvons, voilà, et je ferai voler cet appareil ». Et lorsqu'il se présente à Issy-les-Moulineaux, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il voit cette machine d'un jaune criard, il veut tout de suite, bien que le temps ne s'y prête pas, s'installer sur cette lanière de cuir. Et on lui dit, mais attention, il va falloir, ils vont tous au tapis, il y a déjà eu quelques morts. Mais c'est pas grave, il monte, il prend position, il a un volant, comme un volant de voiture, un accélérateur, il donne un coup d'accélérateur, toc! L'engin fuse et à ce moment-là, malheureusement pour lui, il y en a un autre qui venait de se poser et c'est l'accident et le bambou se termine en petit tas d'allumettes. Mais par chance, c'est le fils du fabricant des demoiselles qui vient donc d'être victime de cette audace de Roland-Garros. Clément Bayard, oui. Et son prénom, c'est Maurice. Il vient le voir, Garros est confus et ça montre aussi l'esprit chevaleresque de l'époque. Imaginez comment vous seriez furibond. Non seulement vous venez d'échapper à la mort, quelqu'un sortant d'un hangar qui vous coupe la piste alors qu'il aurait dû prendre la précaution de voir ce qui se passait, etc. Et l'autre se présente et lui dit « Monsieur, pardon, je suis le responsable et je vais vous faire remplacer votre avion, ça ne vous coûtera rien. » Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Roland-Garros avec votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain. On est donc, Marc Menant, dans cette période extraordinaire où l'aviation est en train de s'inventer. À chaque fois qu'on s'assied à bord d'un appareil, et notamment des fameuses demoiselles très extrêmement peu stables... Mais un ULM, je crois qu'aujourd'hui, c'est... paraîtrait presque un engin extrêmement élaboré comparé à ça. Incroyable. Donc, on est à une époque où on ne sait même pas si, quand on décolle, on atterrira vivant. Quoi. C'est ça l'idée. Faut-il décoller d'ailleurs ? C'est pas voilà. toujours... Et alors, au départ, on fait des lignes droites. Et le premier qui l'aperçoit, vous avez cité son nom tout à l'heure, c'est Audemars, qui sera un des grands spécialistes de la demoiselle. Mais ça fait des jours et des jours qu'il est là. Il est un cycliste, lui. Oui. Pour le moment, il fait le cycliste aussi sur la piste d'ici les Moulineaux. C'est-à-dire qu'il essaie de voir comment se comporte son engin sans oser le faire décoller. Et deuxième aventure de Roland Garros, quand il touche sa nouvelle machine grâce à Maurice Clément, le voilà qui s'installe et Audemars qui est tombé en panne au bout. Il dit, ça va me permettre de faire une première ligne droite. Et là, incroyable, il est tellement impétueux qu'il accélère trop fort. Et hop, lui, le voilà dans les airs. Oh là là, quel bond ! 2 mètres. Mais la seule chose, c'est qu'il faut se reposer. Et là, bien évidemment, il ne domine pas du tout la machine. Et il tombe sur la roue qui se brise. Et à nouveau, la demoiselle qui est en capilotade. Mais bien sûr, ça ne va pas l'arrêter quiconque aujourd'hui avec notre état d'esprit où il faut des casques pour être à patinette, où il faut constamment attention, mon garçon, il va t'arriver quelque chose. Non, là, il faut vivre et vivre grand. Donc, mon bonhomme Roland Garros, il va commencer à taquiner les airs, monter au fur et à mesure. Et ce qui est formidable aussi, c'est que des impresaris se disent, mais il y a une bonne affaire, il faut monter des meetings. Et dans les meetings, il y en a un, il s'appelle Barré, il va l'organiser à Cholet. Malheureusement, il dispose d'un trésor relativement faible, il ne peut pas engager les plus grands pilotes. Alors on lui dit, allez donc à ici les Moulineaux, il y a quelques casse-cou. Il y a des Olibrius, là, ils sont faits pour vous, en fait. Voilà. Et il retient Roland Garros, qui n'a même pas son brevet de pilote. Là encore, aujourd'hui, il vous faut le permis de conduire, le permis de ceci, etc. Là, il est engagé pour faire des exhibitions, être l'acrobate devant une foule, et il y va. Il n'est même pas pilote officiellement. Et il n'est pas pilote officiellement. Et lorsqu'il se présente à Cholet, toujours ce problème du vent. Et alors là, on n'est pas avec la bougie en référence qui flagelle, entre guillemets. C'est véritablement la tornade. Mais le public, il a payé. Et c'est ça. On veut des avions. On veut des avions. Et quand dans les haut-parleurs, on dit que le temps ne permet pas, eh bien, on sent c'est le début de l'émeute, là. Voilà. Et Roland Garros dit à Barré, eh bien, écoutez, je vais tenter la sortie. Et tout le monde dit, mais c'est pas possible, pas avec votre demoiselle. Je vais tenter la sortie. Et le voilà qui part, qui ose monter dans ce vent qui le porte un tout petit peu, mais qui le chahute, qui, alors qu'il s'accroche à ce volant, je vous rappelle, on n'est pas du tout dans l'idée, on est en plein vent. C'est-à-dire qu'il est assis sur du bambou, il se contorsionne, mais bien involontairement, puisqu'il a ses lanières qui sont reliées à son gilet. Lui, forcément, dans le flottement du vent, il agit sur la voilure et tout ça contrarie. Eh bien, il va néanmoins se maintenir un quart d'heure et de façon incroyable, miraculeuse, il réussit à se poser et donc le meeting est sauvé. Ça montre ce qu'est Roland Garros. Et constamment, il va montrer cette capacité à être dans le défi des dieux. Je ne suis pas un humain. Ce qu'on appelle en grec l'enthousiasme, voilà. C'est-à-dire l'enthousiasme en français. L'enthousiasme. Jamais, jamais, lorsque les autres, et pourtant, alors peut-être aussi qu'il fait une très belle rencontre, on l'a oublié, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est John Moisan, ce personnage qui parle très mal. Incroyable, mais espèce de pilote lui-même, impresario. Qu'à 40 ans. Et alors, on n'a pas le temps de raconter Moisan, ça ferait une émission en tant que telle. Mais alors Moisan, lui... C'est pas du tout un esthète. Ce qui compte, c'est de décoller. Et il va être l'un des premiers à utiliser la boussole. Il prend des risques phénoménaux. Et un jour, lorsqu'il se présente sur le terrain, Roland Garros l'aperçoit. Et Moisan lui dit, dites donc, voudriez pas aller faire un étampe, aller jusqu'à étampe avec moi? Et Roland Garros accepte d'être le passager. Et ça, John lui en sera toujours reconnaissant. Belle humilité. Voilà. Et c'est ce qui va permettre d'être engagé dans cette grande tournée aux États-Unis, telle que vous l'avez décrite tout à l'heure. Et John Moisan. Ces acrobaties incroyables sur des appareils qui ne permettaient pas de le faire. Enfin, non. Et celui, donc, qui, dans un premier temps, donne le là à tous ces risques-tout, c'est John Moisan. qui va se tuer lui-même, bah, d'ailleurs. Qui se tue. Bah, oui, voilà. Mais qui derrière prend la relève? Qui a cette capacité à dire non? Nous ne sommes pas condamnés à être là, à supporter les éléments. Les éléments, ce sont nos jouets, en quelque sorte. Et le vent, eh bien le vent, on va le narguer, c'est plus lui qui va nous dominer. Tant et si bien que plusieurs fois, entre autres sur le lac de Pontchartrain, il va prendre des hauteurs invraisemblables, les mains gelées, visage gelé, il est à plus de 2500 mètres, 3000 mètres, l'appareil qui étouffe, c'est-à-dire que les bougies commencent à être prises par le gel, eh bien il maintient tout cela. Et un autre jour dans l'Oklahoma, les conditions sont tellement épouvantables que bien évidemment personne ne veut prendre l'air. Et là encore, il va voir l'organisateur, le Ferrer de Moisan, et lui dit « Mais moi, monsieur, je vais décoller. Je vais décoller, mais pour le principe, parce que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais simplement, je sauve votre spectacle, je sauve votre tournée, et ça, pour mes amis qui feront un jour comme moi, eh bien ça a un prix. » Donc je vous demande une prime. Et il instaure le système de prime. Mais alors, lui qui n'était pas du tout un pro-gain. Mais c'est une question de principe. Voilà, il part du principe que alors, le risque doit finir par se payer. Il y aurait, Marc Menant, énormément d'exploits à raconter. Voilà un homme qui passe son temps à relever des défis. Il va participer au Paris-Madrid, Paris-Rome. On est encore une fois dans les tout débuts d'une aviation qui se cherche des défis et qui repousse. Bon, voilà. Comme des mouches. Il va faire ce à Cancale, je racontais, hein, cet incroyable exploit de monter à des altitudes plus de 3900 mètres. Enfin, on peut là aussi noter que les physiologistes de l'époque disent que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, oui, on croyait que c'était c'est-à-dire qu'un homme ne pourra pas être à 3500 mètres, là-haut, oui, oui. 4000 mètres, il y aura des syncopes, et puis en plus, il va étouffer. Et il part, il taquine, c'est impossible, et il va monter, mais vous avez parlé de son premier record, mais il va être le premier à 5000 mètres. Alors, laissons tous ces records, si je puis dire, aussi passionnants soient-ils, parce qu'à chaque fois, c'est bourré d'anecdotes et tout ça, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller lire une biographie de Roland Garros, bien entendu, mais ce qu'on peut peut-être dire après donc, la traversée mythique de la Méditerranée, qui va faire de lui une célébrité, c'est qu'on est, la Méditerranée c'est septembre 1913, et que moins d'un an plus tard, c'est la déclaration de la Première Guerre mondiale, et qu'il va faire partie de ses pilotes de la Première Guerre. Et bien évidemment, il est engagé, et vous savez à quel grade ? Troufion, deuxième classe. Ah ouais. Bon, parce qu'on sait tenir un avion, qu'on a été champion du monde, que l'on a battu des records d'altitude et réussi la traversée de la Méditerranée, de la modestie, jeune homme. Et il sera l'un des premiers à aller survoler les troupes allemandes qui sont en déploiement pour savoir exactement... De ce qu'on appelle de la reconnaissance. De la reconnaissance. Mais il se dit aussi qu'il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'être dans cette situation d'observateur. Oui, voilà. Qu'il faut que l'avion devienne en soi un élément de guerre. Une arme. Voilà, une arme. Et il se trouve que Saulnier, qui est son patron qui fabrique les avions, a travaillé sur un principe de mitraillette qui pourrait permettre de tirer à travers l'hélice. Mais bien évidemment, il faut affiner le système, car sinon vous êtes avec un homme qui se trouve derrière vous, et comment arriver à bien le placer ? Enfin, ça sert strictement à rien. Et donc on demande à Roland Garros de quitter le front pour aller à l'arrière pendant des mois, essayer de mettre au point cette machine infernale qui va donner un avantage incroyable à l'armée française. Il va mettre plus de 3 mois et demi en travaillant jour et nuit avec de temps en temps quelques escapades. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là aiment tellement l'existence qu'ils la tournent en dérision, mais qu'il faut savoir aussi, on n'a pas parlé durant la tournée, mais le soir, bien évidemment, il y a les jeunes filles qui sont fascinées par ces héros et qui ont la cuisse hospitalière. Il y a la compagne de sa vie, Marcel Georges, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Et Marcel Georges, à laquelle il va offrir l'une des plus belles sensations en étant la première femme passagère à effectuer un looping. Il lui dit « Madame, nous allons nous retourner ». Il fera partie, ça fait penser évidemment à la grande illusion, il fera partie des prisonniers, évidemment, qu'il va passer 3 ans en captivité pendant la guerre. C'est là qu'il raconte ses mémoires. Alors voilà, il va se relancer, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on les aurait pas, ses souvenirs et ses mémoires, si je puis dire. Hein. Et puis ensuite, il va se relancer, il va reprendre l'entraînement, il va redécoller, etc. Il sera quand même une victime, on va dire, hein, il va mourir. Parce que déjà, 3 ans, bien évidemment, les machines, elles évoluent tellement rapidement que quand il demande à être réintégré, on lui dit « Mais monsieur, vous n'êtes plus dans le coup ». Il dit « Attendez, mais moi je vais vous montrer que je vais être dans le coup ». Et là donc, comme un débutant, il essaie de comprendre toute cette technicité, tout ce pilotage affiné, être à nouveau un oiseau, mais dans les meilleures conditions. et il va partir, l'un des premiers vols. Il se trouve en situation de vautour, montant le plus haut possible pour aller piquer sur les adversaires. Ils sont 7 en escadre, il y en a 5, on ne sait pas pourquoi, qui à la limite fuient le combat. Il reste seul avec son chef d'escadrille. Et là, il va survoler, essayer d'abattre l'un de ces Allemands. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. Et il n'y a aucun pilote allemand qui revendiquera Personne. Ça, c'est magnifique, hein, voilà. Parce que c'est rarissime. D'habitude, on est très fiers d'avoir, d'avoir surtout, descendu un pilote, surtout un grand pilote. Roland Garros, voilà. Dont on avait, dans les premiers temps, quand il y avait les premières escarmouches aériennes, combien de fois on a annoncé la mort de Roland Garros. Mais alors, et le tennis dans tout ça, Marc Menant? Eh bien, c'est Émile Lespeur. Son ami, donc, ces jeunes gens de la bonne bourgeoisie qui étaient fascinés par un garçon comme Roland Garros. On se retrouvait à avenue de la Grande Armée, à côté du magasin, et ils avaient fondé le Stade français. Et en 1923-1924, il est question d'agrandir le Stade français et de lui donner des terrains de tennis dignes de ce nom. Et Émile Lespeur est le mécène. Il dit « Moi, je vais sortir l'argent. Mais par contre, j'exige que... » Le stade s'appelle le stade Roland-Garros. Et c'est grâce à lui, à Émile Lesueur... Que des centaines de millions de gens dans sur la planète entière savent, connaissent le nom. Ils savent pas qui est Roland-Garros. Je crois que Roland-Garros est un grand tennisman, alors que c'était un grand coureur cycliste et surtout un homme, un aventurier, un homme de toutes les audaces et un homme de cœur. Car précisons qu'il a donné son avion à un pilote pour qu'il réussisse des exploits et à Ettore Bugatti, il lui a offert 200 000 francs pour qu'il puisse se relancer alors qu'il avait été privé de tous ses biens. Il faut dire qu'il aimait tout ça, évidemment. La vitesse, l'exploit, le sport, bien entendu. Merci beaucoup, Marc Menant. Comme d'habitude, c'était absolument passionnant. Si on veut en savoir un peu plus sur Roland Garros, on n'a qu'à aller vous voir chez vous, à Houdan. Parce que je rappelle, on ne le dira jamais assez, que vous tenez une très bonne maison à Houdan qui s'appelle LM. LM, voilà, le meilleur salon de thé de toute la région. Merci beaucoup, Marc Menant. Un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Romain qui souhaite connaître l'origine des timbres-poste. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Romain qui nous l'a envoyé via le site internet de l'émission. Romain, souhaite connaître l'origine des timbres-poste. Alors Romain nous emmène en Grande-Bretagne pour tout vous dire, parce que le premier timbre-poste a été mis en vente le 6 mai 1840 en Angleterre à l'initiative d'un Écossais tout de même qui s'appelait Rowland Hill. Il s'agit d'une révolution hein, quand même, parce que avant c'était au destinataire de s'acquitter des frais de port quand vous envoyiez quelque chose, et ces frais de port, ils étaient calculés en fonction de la distance parcourue et du poids de la lettre ou du colis. Donc c'est Rowland Hill qui a pris conscience de cette nécessité de créer une sorte de système beaucoup, beaucoup plus standardisé en observant la serveuse d'une petite auberge, dit l'histoire. La demoiselle avait été obligée de refuser de recevoir un courrier de son bien-aimé parce qu'elle n'avait pas d'argent pour régler le coursier. Il s'est dit, ça c'est pas possible, il faut trouver un autre système. Il a inventé donc le timbre poste. Ce premier timbre britannique, donc. Il représente la reine Victoria, forcément, de profil, sur un fond noir. Il a une valeur d'un penny et il permet d'affranchir une lettre qui pèse jusqu'à 14 grammes. On va donc l'appeler, puisqu'il pèse, il voit un penny et qu'il est noir, on va l'appeler ce timbre le Black Penny. Je peux vous dire que tous les collectionneurs, tous les philatélistes connaissent évidemment ce timbre. En 1843, plusieurs cantons suisses, mais aussi le Brésil vont à leur tour émettre de premiers timbres postaux. La France va attendre un tout petit peu, comme souvent. Elle va attendre 1849 pour instaurer ce système à l'époque de la Deuxième République. C'est un timbre à l'effigie de Cérès, la divinité romaine de l'agriculture. C'est une série de trois timbres. Il y en a un noir de 20 centimes, orange de 40 centimes et rouge d'un franc, que connaissent là encore tellement bien les philatélistes. Et après son apparition, on peut dire que les correspondances vont faire un bond en avant considérable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'invention d'un affranchissement, il n'y a pas seulement l'invention du timbre, il y a surtout un coup de fouet considérable à toute la correspondance, et ça va être le grand siècle des lettres, hein, de la correspondance épistolaire. On parle jusqu'en 1864, pour tous ceux qui collectionnent, pour aller jusqu'au bout de la question de Romain, on parle de timbrologie et de timbrologue, mais évidemment assez vite, c'est Herpin d'ailleurs qui est lui-même collectionneur et qui va inventer le terme nettement plus raffiné de philatéliste, donc de philo, ça bien entendu, et atelia, ça veut dire exempté de taxes, donc la philatélie. Amélie, c'est la collection de timbres.